Micro ouvert. Les amis, merci d'être venus. Franchement, je suis très honoré de votre présence, vraiment. Alors voilà, mais qui est Ismaël Dogan aujourd'hui? Vous êtes là, il y en a qui parmi vous me connaissent déjà très bien. Et ils ont déjà mon album, mais surtout pour vous dire que Ismaël Dogan, c'est un caricaturiste qui est venu en Belgique à l'âge de 13 ans, avec son papa et ses deux frères et sa petite sœur, réfugié politique, en tant que réfugié politique. Donc, j'y étais pour rien, moi. Hein. On m'a amené, voilà. Et je suis là. Mais ce qu'il y a, le plus important, c'est après le parcours que j'ai eu. C'est pas évident de se reprendre à l'âge de 13 ans, reprendre, apprendre la langue, et puis voilà. Et pourquoi je me retrouve à être caricaturiste, je ne sais pas non plus. Mais ce qui m'est arrivé, c'était quand au départ, il fallait que je m'exprime sans comprendre la langue, eh bien voilà, j'avais que ça comme choix. Donc une feuille qu'on me donnait tout le temps et un papier. Je faisais que ça toute la journée sans rien comprendre dans une classe. Et il fallait par moments que je devais aller à la toilette, mais je n'osais pas le dire. Parce que j'étais timide, je ne savais pas parler. Et donc, j'ai dessiné Mannequin Pis et je montrais à madame. Alors, à ce moment-là, on me disait, vas-y, va. Et j'ai commencé à m'exprimer avec les dessins. Et j'ai vu que, bon, c'est quand même une arme aussi qu'on peut utiliser contre les injustices, contre tous ceux qui nous dérangent, contre toutes les choses qui nous irritent, en fait. Et j'avais tellement des choses à dire parce que, bon, on est quand même une famille opprimé en Turquie. Mon père a été torturé dans les prisons turques. Et donc, tout ça, ce sont des images ou des choses qui vous restent du passé, mais qui vous font aussi avancer. Donc, vous savez tracer votre chemin, vous savez ce que vous voulez. Moi, j'avais pas un parcours d'études vraiment magnifique parce que après, à l'âge de 13 ans, on perd un peu du temps. À 17 ans, 18 ans, eh bien, on vous inscrit dans des écoles de métiers, électricité, mécanique, machin. Bah, j'étais pas fait pour ça. J'ai vite compris qu'il fallait que je m'exprime autrement. Et un beau jour, j'ai pris tous mes dessins, j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts. Et là, on m'a donné ma chance. On m'a montré que j'étais un peu capable, j'étais un peu doué. Mais ce qu'il n'y avait pas des cours de caricature, ça n'existait pas. Il n'y avait que donc la bande dessinée, la publicité. Alors moi, j'ai pris la publicité parce qu'il y avait la création dedans. Et ça m'a permis aussi d'aller encore plus loin. Mais le plus important que je vais vous dire, je ne suis pas ici pour me montrer, pour dire je suis caricaturiste, voilà. Non, simplement vous dire que la caricature aujourd'hui, comme elle est tellement dans l'actualité, dans tout ce qu'on vit maintenant aujourd'hui, la caricature ou les caricaturistes ont payé un prix cher. Il y a des amis qui sont emprisonnés chez nous, dans certains pays aussi, comme en Turquie. Je vais aussi toucher un mot pour le caricaturiste d'un journal turc. Moussa Kart, aujourd'hui, il est en prison. Ça fait plus de 60 jours qu'il est en prison. Il est coupable d'avoir dessiné. Voilà. Donc, je voulais quand même en parler et vous dire que la caricature dans ces quartiers difficiles où moi je travaille dans une ASBL artistique, ça devient ou alors vous lâchez tout, vous dites j'abandonne, c'est très difficile d'expliquer à cette population qu'on vit ensemble, ou alors tu te dis tu avances plus loin, la caricature on en a besoin encore plus qu'hier, plus qu'hier on en a besoin, parce qu'il faut des types comme moi, il faut des gens comme moi qui puissent s'exprimer, dire écoutez, l'injustice est liée, elle est là. Donc nous, avec la caricature, j'essaye d'amener dans la rue, dans les gens, là où ils n'ont pas accès, ces gens ils doivent comprendre, ces gens que je dis entre guillemets, c'est moi, c'est vous tous, c'est de vous expliquer tellement l'importance de cet art, parce qu'elle est tellement critique et expressive. J'ai envie de cette vocation donner aux autres. Je n'ai pas envie de faire que pour moi. Donc, Et je donne parfois des cours d'atelier, de caricatures, et je continue dans les écoles et dans les associations. Et je suis très heureux de voir les enfants avec quel intérêt ils suivent ces cours-là. Et j'en suis très, très content. Mais le plus important, c'est de montrer que tout ce qu'eux voient à la télévision ne reflète pas spécialement la réalité. Donc c'est pour ça que le rôle de la caricature, c'est là qu'on en a besoin. On peut écrire des textes, des dizaines de pages, des discours, on peut en faire des énormes, mais la caricature, il suffit de faire deux, trois coups de crayon, on peut en dire beaucoup. Et pour moi, c'est une arme, elle est même dangereuse pour certaines, mais je pense que c'est une belle arme, que j'aimerais bien continuer à l'utiliser. Et puis, quand je vois encore tant d'amis comme ça avec moi, qui me disent « vas-y, vas-y », donc j'y vais, je continuerai, et alors je vous inviterai pour les autres expositions. Merci à vous. Donc, on va continuer la soirée. Ici, les caricatures que j'ai exposées, en fait, qui se trouvent toutes ces caricatures dans mon album, qui sont vendues un peu plus loin. Et cette soirée, on va continuer avec mon ami musicien Tanar, qui va vous chanter un peu. Et notre ami poète, monsieur Nihat, qui va vous lire quelques poèmes de Nazım Hikmet en français et en turc. Et on va continuer notre soirée. Et je vous invite à prendre un verre de ma part. Le deuxième, c'est au bar. Il faut payer. Donc, je voudrais surtout remercier à la boutique culturelle, à Valérie, qui m'a offert cette grande salle, cette magnifique salle. Et je voudrais remercier à tous mes amis, à Graziella, qui est ici avec moi. Et j'en ai tellement d'amis à remercier, surtout ceux qui m'ont donné le vin gratos. C'est monsieur Aliba Seven. Il n'est pas là, mais il y a ses deux frères qui sont là. Et il me soutient énormément. Et merci, merci d'être là. Vraiment, merci. Değerli dostlar, çok küçük bir değişiklik yaptık. Yani ben şiir okumak için hazırlanmıştım. Evet, okuyacağım ama Deniz burada olunca bir şiiri Türkçe-Fransızca beraber okuyacağız. Chers amis, donc soyez le bienvenu tout d'abord au jardin de la poésie. On a fait le changement de programme un petit peu. Je vais lire en turc un poème de Nazım Hikmet. Et deuxième poème, aussi Nazım Hikmet, mais une couple, je vais lire en turc, et Deniz, elle va lire en français. Voilà, pour changer un peu d'air. Dünyanın en tuhaf mahluku. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin, akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim, gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin ve adeta mağrur koşarsın salhane. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Açsak, alkan içindeysek ve şarabımızı vermek için hala üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin, Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Nazım Hikmet. Teşekkürler. Bon, maintenant je vais lire une deuxième poème de Nazım Hikmet. Une couple et puis après elle va continuer en français. Kız çocuğu, kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. La petite fille, c'est moi qui frappe aux portes. Aux portes, l'une après l'autre, je suis invisible à vos yeux. Les morts sont invisibles. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım büyümez ölü çocuklar. Morte à Hiroshima il y a plus de 10 ans. Je suis une petite fille de 7 ans. Les enfants morts ne grandissent pas. Saçlarım tutuştu önce. Gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim. Külüm havaya savruldu. Mes cheveux tout d'abord ont pris feu. Mes yeux ont brûlé, se sont calcinés. Soudain je fus réduite en une poignée de cendres. Mes cendres se sont éparpillées au vent. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Pour ce qui est de moi, je ne vous demande rien. Il ne saurait manger même des bonbons, l'enfant qui comme du papier brûlé. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Je frappe à votre porte, oncle, tante, une signature, que l'on ne tue pas les enfants et qu'ils puissent aussi manger des bonbons. Nazım Hikmet. Merci Atanar. Merci à Deniz. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Rencontre dans la maison de Ismaël Doğan. Est-ce que j'ai bien prononcé Ismaël? Ismaël, parce que c'est écrit il et c'est Ismaël. Ismaël Doğan. Doğan, ah oui, on ne prononce pas le G. Il y a le chapeau sur le G, oui, et qui fait que c'est Doğan. Voilà, Doğan, mais pour version française, parce que les gens, si jamais ils veulent faire de la recherche, c'est écrit avec un G, Doğan, qu'on ne prononce pas, voilà. Alors Ismaël Doğan, on se connaît, hein, on se connaît, ça veut dire que on va pas jouer le jeu qu'on se connaît pas, mais en même temps, on va jouer le jeu qu'on fait vraiment une rencontre de Ismaël Doğan sur ton histoire, Ismaël, qui est un peu hors du commun. Je sais pas si c'est juste ce que je dis. C'est-à-dire que tu as une histoire surtout avec ton papa, l'histoire de ton papa, et comment ça se fait que vous êtes arrivé ici en Belgique, parce qu'à la base, tu es turc. Ouais. C'est juste si je dis à la base, tu es turc, c'est bien parlé, ça. À la base, tu es turc. Oui, c'est pas si mal. Mais mon histoire, je vais commencer alors. Hein. Mon histoire a commencé quand j'avais 13 ans, donc arrivé en Belgique. Hein. Comment ça se fait? Tu arrives en Belgique à l'âge de 13 ans. Oui, voilà. À l'âge de 13 ans. Donc, en tant que fils de réfugié politique, donc c'est mon père qui nous amène, moi, mon petit frère, ma petite sœur et un grand frère, mon grand frère. Donc, on était 4, plus papa, 5. Et la maman? Toujours une maman quelque part. Hein. La maman était, malheureusement, elle était décédée en 75 en Turquie, avant qu'on arrive en Belgique. Donc la maman n'était pas avec nous. Elle est décédée jeune, non? Oui, elle avait 45 ans, elle avait une maladie. Et je pense que cette maladie-là, je ne sais pas si ça a joué dans la vie politique de mon papa, parce qu'il était en prison et tout. Et c'était trop dur aussi pour elle. Hein. Faut comprendre qu'elle n'avait pas une vie facile venue de Yougoslavie en 58 à Istanbul. Et puis de nouveau vivre des choses assez difficiles dans les circonstances de l'époque. Donc, voilà. On est en quelle année, là, alors ? On est en 75-76. Donc, on arrive en Belgique au mois d'octobre 76 à Namur. Donc, le premier gare qu'on arrive, c'est Namur, à Jambes. Donc, c'est bien juste, hein ? C'est à Jambes. Et pourquoi cet endroit-là, précisément ? Parce qu'on n'avait qu'une seule adresse d'un ami à papa qui habitait là. Et qui venait de temps à autre pendant les vacances à Istanbul. Donc, il voyait mon papa. Et puis, voyant sa situation qui est après la prison, qui se dégradait encore plus, et il était gentil. Il a proposé à mon père de le rejoindre à Namur, qui vivait là-bas. Et ton papa, il a fait de la prison, alors ? Oui. Et donc, ton papa, en fait, quand il arrive à Namur, c'est par le biais d'un ami. Et cet ami est au courant que ton papa a fait de la prison, etc. Tu peux expliquer pourquoi il a fait de la prison, ton papa est un peu... Enfin voilà, je ne sais pas comment tu veux diriger l'histoire, mais n'aie pas peur, toi, non plus, de prendre les rênes pour nous emmener là où tu veux. Hein, mais... Alors, cet ami-là, en plus, ne savait pas beaucoup de choses de la vie de mon papa en Turquie. Il venait une fois par, disons, pendant un mois, pendant les vacances. Mais comme nous, on avait un studio de photographe à l'époque, il venait faire des photos, lui. Et il est devenu ami avec papa. Mais il n'était pas communiste, ni quoi que ce soit, ni gauchiste. Hein. C'était même un croyant, quoi, ce type. Mais c'était quelqu'un. Mais là, on rentre dans le vif du sujet, hein, parce qu'on n'a pas encore une fois prononcé le mot communiste, communisme, et ni gauchiste. Donc là, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, alors, Ismaël, hein, parce que sinon, on ne comprend pas. Ben voilà. Mon papa, donc, est déjà, c'est un immigrant de Yougoslavie. Donc, il vient de Macédoine en 58 suite à un accord avec les deux pays. Donc, il y a eu une migration de masse. Donc, beaucoup de Turcs qui étaient installés à l'époque de l'Ottoman dans les endroits macédoines, donc tous les Balkans, en fait. Voilà. Ils ont été déplacés à l'époque de l'Empire ottoman. Et avec le temps, certains pays... Donc, comme la Yougoslavie et la Turquie, ils ont fait un accord ensemble dans les années 58 pour dire ben, ces Turcs-là, ils peuvent revenir s'ils veulent. Donc c'est pour l'économie, pour les élections aussi, parce qu'il se dit, le président de l'époque, il comptait peut-être que toutes ces migrations de masse vont leur aider à devenir au pouvoir, parce qu'ils vont voter pour eux. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, mon père arrive d'un pays communiste, Yougoslavie. À l'époque, c'était communiste. C'était pas encore divisé, quoi. Et quand on arrive il arrive en Turquie, il rencontre tout de suite que c'est pas un pays qu'il vivait comme la Yougoslavie. C'était pas un pays communiste. Donc déjà, à la frontière, il y avait un bureau de migrants. Donc, ils accueillaient des migrants venant de Yougoslavie. Et ils demandent à mon père quel est son nom. Et mon père, il dit Kızıldoğan. Et Kızıldoğan, c'est le nom de son village qu'il a envie de garder comme nom. Et les Turcs, tout de suite, ils ont dit on enlève le Kızıl. Donc, Kızıl, c'est le rouge. On enlève le rouge parce que chez nous, le rouge, c'est pas très bienvenu. Donc, voilà. Alors, notre nom est resté Doğan. Et ça a commencé comme ça son parcours déjà. Et quoi, il a changé de prénom alors en fait ? Bah, il a pas changé, il était contraint de l'enlever. C'est donc enlever le mot rouge. Ah oui, je pensais que quand il est arrivé à la frontière, il a dit je vais m'appeler du nom de mon village. Oui, exactement. C'est ça. Et Mais donc, ce n'était pas son vrai prénom, si je comprends bien. Il s'est fait appeler par le nom de son village. Ce n'est pas son prénom, c'est son nom à lui. Donc, dans le village, à l'époque, bah, il prenait le nom du village, quoi. Et alors, arrivé en Turquie, il s'est dit, je vais prendre le nom de mon village, Kızıldoğan. Bah, les Turcs, ils n'aiment pas le mot Kızıl. Donc, Kızıl, ils ont dit, on jette le Kızıl, tu gardes Doğan, et tu gardes ton nom qui est Abdullah. Et voilà, tu t'appelles maintenant Abdullah Doğan. Et voilà. Donc, il s'installe à Istanbul. On ne va pas retracer toute l'histoire, évidemment, mais ce serait bien de dire les grosses lignes. Donc, ton père, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Comment ça se fait qu'il a fait de la prison? Et puis, tu vas aussi nous expliquer, toi, petit enfant, évidemment, parce que c'est des souvenirs de petit enfant, là, alors là-bas, à Istanbul, hein, puisque tu arrives à 13 ans ici, en Belgique. Oui, c'est pas évident de faire tout ce parcours comme ça, étape par étape, mais je vais essayer d'aller assez vite. Donc, pourquoi? Parce que le fait qu'en Yougoslavie, papa, il était professeur de langue turque. Donc, il donnait déjà des cours aux enfants. Et le fait qu'il arrive en Turquie, il se demande qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien, il a fait la demande au gouvernement turc de devenir professeur, donc là-bas, en Turquie, à Istanbul. Et ça a été refusé, le fait que ben, il vient d'un pays communiste, il va peut-être laver le cerveau des enfants. Ils étaient très, très méfiants à l'époque. Donc, finalement, il ne trouve pas de boulot dans l'enseignement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dirigé un peu dans les usines et donc il commençait à accepter un peu tout ce qui lui revient. Et ouais, tout ce qui, oui, voilà, pour vivre, pour avoir de l'argent, quoi. Voilà. Et bien sûr, avec ma mère, c'était pas évident. C'était une vie assez quand même pauvre. Et puis moi, avec le temps, on grandit. Ben, je suis né à Istanbul, moi. Moi, je suis pas né en Yougoslavie. Et puis voilà, et pourquoi maintenant mon père, il a été emprisonné, on va venir là. Il continuait à faire sa vie politique en Turquie. Hein. Donc, il s'est inscrit au parti ouvrier de Turquie parce qu'en voyant la situation des ouvriers en Turquie, il s'est dit, ici aussi, il y a des choses à faire. Donc, dans son quartier, il a commencé à militer dans un parti. Et malheureusement, ce parti était aussi déjà en vue donc, par l'État, par le gouvernement, parce que c'était des gauchistes, voilà. Mal vu, quoi. Très mal vu. Et plus, même, je pense que c'était l'époque où les années 70, on arrive aux années 70. D'ailleurs, un an après, il y a eu le coup d'État en Turquie. C'est un pays où chaque 10 ans, il y a un coup d'État. Donc pourquoi? Ben parce que les gens se réveillent. Les gens commencent à demander leurs revendications et tout. Et ça, dans des pays comme la Turquie, il ne faut pas trop pousser plus loin parce que alors tu risques ta vie. Et ce que mon père a fait, il a continué malgré tout ben, jusqu'au jour où les militaires sont venus à 6 heures du matin. Comment on fait une descente, on appelle ça. Ils ont fait une descente dans la maison et ils ont pris mon père. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Et puis, on ne l'a pas vu pendant 4 mois. 4 mois comme ça, aucune nouvelle de lui. Mais en fait, dans ces 4 mois-là, il était entre les mains des services assez spécialisés quoi, pour faire parler des gens, des gauchistes comme mon père. Ben, ils étaient occupés à le torturer. Quoi. Et nous, on a appris ça plus tard, quand on a vu en prison, plus tard, beaucoup plus tard, on a vu mon père en prison prêt à nous s'accueillir dans le parloir. C'est là qu'on a vu qu'on ne l'a plus reconnu. Quoi. Il avait maigri, c'était plus le même homme, c'était plus mon père que je voyais là. Et malgré ça, il avait le moral très très fort parce qu'il disait qu'ici, il n'est pas dans une prison, mais il est dans une école parce qu'il y avait des professeurs, il y avait des militaires, il y avait des écrivains, il y avait des artistes. En prison. Oui, il ne se plaignait pas, en fait. Il vous faisait croire que tout allait bien et qu'il était à l'école, quoi, en gros. Oui, tout à fait. C'était... Et même ça, même dans les situations pareilles, on se dit, ben, on en apprend. Et lui, il disait, il a appris en très peu de temps dans ces moments de prison beaucoup de choses qu'il n'avait jamais appris dehors. Donc, quoi, par exemple? Eh bien, la solidarité entre les gens, et qu'ensemble on peut changer les choses. Ça, ça c'est un truc qu'il est resté. Et puis malgré toutes ces tortures que ces gens ont passées, ont duré comme lui, et finalement, ben, à la fin, ils ont toujours gardé cette même force, cette même courage en eux, de pouvoir dire, ben, on continue, rien n'est fini. Et moi, je trouve très courageux, ça, c'est pas évident. Et voilà, après, il sort, donc 22 mois de prison. Après 22 mois de prison, un beau jour, ben, on le fait sortir, alors qu'il était condamné à mort, vraiment tout, hein, le plus haut, quoi. Et ben, finalement, il arrive, il sort. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes étaient finis. On était toujours surveillés, donc la maison était toujours surveillée par des civils autour. Et tu sais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été mis à mort alors ? Mon papa, ouais. Il n'a pas été mis à mort parce que donc les accusations qu'on faisait envers lui, c'était du bidon, c'était toutes des choses arrangées, donc écrites d'avance par le procureur de la République. Donc c'était quoi dans ces accusations ? Ben, c'était le renversement, de vouloir renverser l'État. Donc c'est toutes des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que mon père faisait. C'était pas... Il n'avait aucune envie de renverser l'État. Simplement, il défendait les idées, des bonnes idées, qui pouvaient changer les gens. Et dans un futur plus lointain, renverser l'État. Mais bon, là, il n'en était pas là. Non, tu ne crois pas ? Oui, mais c'était pas le lendemain qu'on pouvait arriver à ça. Mmh. Surtout pas en Turquie. Mmh. Parce que, donc, on sort du coup d'État à peine. Mon père, il sort en 74 de la prison, en plus. Et suite à une amnistie générale donnée par... Donc, chaque fois qu'après le coup d'État, il y a un président qui vient au pouvoir ou un premier ministre, ben ils avaient tous l'habitude comme ça. Ah tiens, ben tous ces gauchistes, pourquoi ils sont en prison ? On va les faire sortir. Amnistie générale. C'était devenu une tradition en Turquie, tu vois. On prend les gauchistes, on les enferme et après les avoir torturés, les avoir un peu donc étalés à mort, et ben voilà, c'est un peu un petit... Oui, c'est comme si on les cassait, quoi. On les casse comme ça, ils se taisent, quoi, après. Tout à fait, Gradiela. C'est carrément ce que j'ai voyé, ça. Et quand tu as un enfant, tu grandis avec tout ça, tu te demandes pourquoi les criminels, des gens qui tuent comme ça, qui sortent facilement dehors, alors que pourquoi ces gauchistes-là, on les traite d'une façon, c'est inhumain, c'est pas normal. Mais Ismaël, parce que voilà, le temps, on n'a pas tout, hein, on a un temps déterminé. Donc moi, j'aimerais bien aussi, on n'a pas le temps de parler complètement de toute la vie de ton père. Mais donc toi, petit enfant, tu vis dans une ambiance comme ça. Tu peux décrire un peu parce que t'as quel âge là alors, genre ? Mais c'est vrai ce que tu dis. On parle beaucoup de mon père, mais ça fait partie aussi de mon histoire de. Oui, puis quel modèle, quoi. C'est quand même un modèle fort, c'est ton père, c'est quand même une figure assez forte près de toi, là. Oui, ça fait beaucoup de bien. Mais surtout, au début, on comprend pas. À mon âge, au début, on comprend pas. On se dit, mais pourquoi les communistes sont tellement mal vus en Turquie que c'est mon père, pourquoi il fait ça ? Mais on comprenait rien. Plus tard, mon père disait, vous allez comprendre plus tard. Mais... tous les matins, il faisait acheter quand même 4-5 journaux. Moi, c'est ça qui m'a fait beaucoup. Hein. Parce que je suivais le quotidien, ben, j'étais un peu forcé. Hein. Mais t'avais quel âge là alors ? J'avais, disons, allez, en Turquie, on est encore en Turquie, donc 11-12 ans. Donc j'ai tous les journaux et je devais lire tous les titres de journaux pendant que mon père était au lit, allongé. Donc je ne pouvais pas aller déjeuner tant que je n'ai pas lu tous les gros titres de 4 journaux. Donc, ce sont les 4 journaux de tendances différentes. Donc, il y a un peu gauche, un peu droite. Quoi, c'était la mission que ton père te donnait ? Genre, Ismaël, tu lis les 4 gros titres de ces 4 journaux. Bon, c'est facile encore, hein ? Oui, mais ça fait... à l'époque, ça me faisait râler, quoi. Je voulais pas, mais j'avais faim, je voulais aller manger. Bon, ben, il fallait lire. Au début, je lisais vite comme ça et tout. Et ils comprenaient, ils disaient non, stop, tu reprends. Et alors là, à force de dire ou ça commence à te faire, tu te sens pas bien et tout, ou alors tu assimiles ça en toi, tu réagis vraiment comme un journaliste. Et je me suis tout à coup changé de, et j'ai commencé à prendre un grand plaisir à lire. Et il commençait à dire, mais que tu lis bien. Et ça, ça me faisait bien, parce que j'ai dit, ah tiens, j'ai retrouvé mon truc. Et puis, on me demandait à l'école, qu'est-ce que tu veux être plus tard quand tu seras grand? Je disais, journaliste, présentateur à la télévision. Voilà, c'était mon but, c'était parce que je lisais très bien. Et alors, finalement, ben, il me poussait aussi. Hein. Il me disait, parce qu'on était nombreux dans la famille, donc 6 frères, tu t'imagines? Il y a 6 frères, quoi. Et une sœur. Deux sœurs. Ah, deux sœurs. Deux sœurs. Alors, et il nous a installés tous comme ça. Il donnait un journal à chacun. Il disait, bon, voilà le chronomètre. Donc, chacun va lire. Et celui qui lit le plus compréhensible et le plus vite, donc, il sera récompensé. Donc, c'est de la compète, ça. Oui, voilà. C'est pas très... Mais j'ai gagné. Mais c'est pas très... La compète, c'est pas très... C'est une compète pour la langue turque, en fait. C'était pour le bien, c'était pour nous faire... Ben c'est pour ça que 40 ans après, en Belgique, que je vis, je parle encore super bien le turc. J'écris super bien, c'est presque... Et c'est grâce à ça. Hein. Mais quoi, ça créait pas de la jalousie entre tes frères et sœurs? Les filles pouvaient y participer à ça? Oui, oui. Oui, oui, mais bon, il n'y en a aucun qui voulait être, comme moi, présentateur à la télévision. Alors, donc, ce n'était pas leur truc, mais ils faisaient ça pour s'amuser. Hein. Ils disaient, bon, on sait bien qu'Ismaël, il lit, bravo. Eux, pour ça, c'est vite, c'est laver les mains. Ils disaient, allez, hop, c'est bon, j'ai pas réussi, au revoir. Donc, chacun était un peu dans son petit monde, quoi. Et donc, ta mère, là... Ma mère, elle était malade. En fait, elle était tout le temps couchée. On ne savait pas ce qu'elle avait. Ben, finalement, on a appris que c'était une longue maladie, comme ça. Et un beau jour, voilà, elle a lâché. Je me souviens, c'était en 75, au mois de avril, mai. Moi, je bossais. Hein. Les gosses, par exemple, il y avait l'école le matin. L'après-midi, on travaillait, nous. Les enfants, on avait tous un travail. Quoi comme travail? Ben, j'étais cordonnier, moi. Je faisais les chaussures, j'adorais l'odeur du cuir, comme ça. Mais c'était un ami à mon père qui nous avait pris juste... Parce que si ça ne va pas là-bas, tu vas chez l'autre ami qui est cordonnier, qui est menuiserie. Donc il y a plein de métiers où j'allais comme ça. Mais quoi, tu étais payé alors? Oui, j'étais payé par semaine. Les enfants étaient... C'était chouette, les jours de paye, quoi. C'était un samedi. Donc, tu es payé toute ta semaine, tu ne demandes pas de l'argent à tes parents et tu peux gaspiller à ton aise parce que ma mère ne demandait jamais mon argent. C'est énorme parce que quand on n'arrête pas d'entendre parler des droits de l'enfant qui ne peuvent pas travailler, etc. Enfin, tu vois, c'est énorme d'entendre ce que tu dis alors que, oui, enfin, on parle du droit au travail quand c'est évidemment pas de l'esclavagisme. Hein. C'est ça, tu n'étais pas dans un travail d'esclave, quoi. Non, pas du tout, parce que même j'ai vendu des journaux à la criée comme ça, en courant dans les rues. Et j'adorais ça, moi j'aimais bien. Et parce que je me disais, ben, c'est la vie, j'apprends la vie si peu comme ça. Mais c'était pas, il n'y a rien à comparer avec les Chinois qui travaillent dans l'usine pour réparer les téléphones. Voilà, et puis c'est 12 heures, c'est 14 heures. Moi, non, c'était pas comme ça. Moi, je suis fatigué, je rentre chez moi. Hein. Donc le patron, il ne te disait rien, mais il te payait quand même. Donc c'était... On était bien entourés quand même. Et est-ce que tu peux décrire, et après on va retourner en Belgique à Namur, mais est-ce que tu peux décrire, moi je vais te donner un petit peu ma description de la Turquie, tu vas me dire si elle est juste ou pas, mais j'imagine que dans des idées communistes, alors évidemment on parle de communisme, pas la folie du communisme, hein, mais le communisme, tu pourrais la dire dans les grosses lignes? Bah, moi, je veux te parler... Les grosses lignes, hein, comme ça, on passe à autre chose. Oui, de communisme plutôt en Turquie, hein, parce que c'est plus ça qui m'intéressait, parce que... Oui, moi, en fait, j'allais parler de la Turquie, ce que je crois en savoir. Après, tu peux me dire, toi, non, c'est pas du tout le cas, mais j'imagine qu'en Turquie, c'est la dictature. n'y a pas de mouvement de gauche, c'est comme ça, je caricature, hein. Enfin non, en même temps tu vas me dire, c'est comme ça et il n'y a pas d'autre alternative, d'ailleurs l'alternative elle n'existe pas. La religion, ben, elle est là et elle s'impose, enfin, t'as intérêt à croire, quoi, sinon on te brûle. Voilà, ça c'est peut-être les grosses lignes que c'est mon imaginaire évidemment, mais Satan c'est pas du tout ça. Donc, est-ce que tu peux décrire un peu le paysage politique et le communisme, alors, tu vois la différence? En fait, ce que tu as dit, hein, c'est un peu, on va revenir à ça plus tard, mais c'est exactement comme ça. La Turquie, c'est un pays peut-être qui n'a jamais été colonisé, mais c'est un pays depuis 23, donc la révolution d'Atatürk après l'Empire ottoman. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé? Non. Allez, on peut dire par la force, par les armées. Il y a eu des essais, et c'est pour ça qu'ils appellent la guerre de l'indépendance chez nous. Quand c'était la fin de l'Empire ottoman, et le dernier empire ottoman, avec l'aide des Anglais, il a fui le pays. Donc c'est Atatürk qui est venu un militaire au pouvoir. Et lui, ben, il y avait à Istanbul, il y avait les Grecs, il y avait les Italiens, il y avait les Anglais. Et bien tout ça, il se faisait la guerre entre eux. C'était la... Et finalement, ben, avec l'armée turque d'Atatürk qu'il avait, en fait, lui, il a fait une identité turque, avec la langue, avec tout. Parce que, je ne sais pas si on le sait, mais jusqu'en 23, les Turcs parlaient l'ottoman, ne parlaient pas le turc. Donc, on n'avait pas d'alphabet turc. Maintenant, quand on regarde l'histoire, il y a 9000 ans d'histoire, la Turquie. On regarde, il y a plusieurs empires qui, depuis la Chine, depuis la Mongolie, donc depuis le mont Altaïque de Russie, de Sibérie en fait. Voilà notre origine, d'où viennent les Oghuz, qu'on les appelle, les Genghis Khan. Tout ça, ce sont tous nos ancêtres. Moi, je pense que c'est de ça, c'est de là qu'on arrive jusqu'en Asie mineure. Un sacré peuple, hein. Moi en tout cas, ce que j'en ai lu brièvement, c'est des gens, on les décrit aussi, mais je sais que quand on lit l'histoire, il faut vraiment trouver le bon livre d'histoire, mais genre, ils y vont quoi, genre c'est un peuple balèze, et ils décapitent tout sur leur passage quoi, ils font peur. C'est un peuple guerrier, mais en même temps... Quand je regarde leur religion de l'époque, ils n'étaient pas musulmans, hein. Ils étaient des chamans. Et le chamanisme, c'est paisible quand on lit comme ça le chamanisme. On le sait bien, on respecte la femme. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans cette croyance. Donc maintenant, les Turcs, après, avec le temps... Donc moi je te parlais de Atatürk quand on arrive en 1923, c'est là que lui il pouvait le choisir parce qu'il y avait la Russie qui aidait à l'époque pour sa guerre d'indépendance, les Russes l'aidaient. Aider Atatürk avec les armes, avec tout. Donc et finalement Atatürk il avait le choix, ou alors il se tourne la tête vers la Russie communiste qui vient de faire la révolution 17. Ou alors, il se retourne vers l'Occident. Ça veut dire, lui préférait un petit peu les lords anglais, hein, les lords... Donc, tout ce qui est style anglais. Capitalisme, alors? Oui, voilà, si on peut dire. Il a choisi que ce système moderne pouvait... La laïcité, en fait. Il a insisté sur la laïcité. Ouais, ça, c'est du blabla. C'est autre chose qui l'intéressait, non? Avec le temps, il faut pas oublier quand même que il est le premier en Europe à donner la liberté aux femmes déjà avant les Français quand on regarde dans la République turque ou dans la Constitution, la femme elle avait le droit de vote. Donc il a fait des choses, des révolutions. On peut surtout comme l'homme de son époque, c'est un homme fort, c'est un homme Et après, on est en quelle année là? Voilà, c'est 1923, quand c'est la République turque a été fondée, en 1923. Ok, Atatürk débarque? Voilà, Atatürk. Mais en quelle année alors? Ça dure combien de temps? Atatürk, en fait, le 23, il fait la République et puis il fait le Parlement et tout. Il amène la laïcité au pays. Alors qu'à l'époque, c'était l'Empire ottoman, c'était quoi? Ben, c'était la religion quoi, qui fonctionnait dans le pays. Et lui, il a tout enlevé. Mais il a gardé les mosquées, il a dit aux gens, vous pouvez continuer à croire, mais ce qu'il y a, il ne faut pas que ce soit dans les lieux publics. Donc il prenait énormément d'exemples d'anglais, des français, il s'est inspiré même pour l'alphabet. On a 28 lettres. Il a copié l'Occident, quoi. Oui, il a copié l'Occident. Est-ce qu'il a bien fait? Apparemment, non, parce que ça ne change pas. Qu'est-ce qui ne change pas? Tu sais quoi, maintenant, ça fait 75 ans là, depuis 23, hein, ça doit être 80 ans passés. Tout ça, tous ces moments-là, chaque 10 ans, il y avait coup d'État en Turquie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis 2002, avec Tayyip Erdogan qui est au pouvoir maintenant en Turquie, lui, il veut complètement revenir en arrière. Ça aussi, c'est vraiment très dangereux pour le pays. Pas au chamanisme. Non. Non, heureusement. D'ailleurs. Pourquoi tu dis heureusement? Parce que l'histoire, on ne revient jamais en arrière. L'histoire fait qu'on doit toujours avancer. Oui, mais peut-être des fois, ça fait des boucles, des ronds, quoi. Mais lui, je ne peux pas comprendre qu'il revient de nouveau à l'Empire ottoman. Donc, les territoires de l'Empire ottoman à l'époque, c'était énorme, quoi, de Vienne jusqu'à Yémen. Mais on s'égare, parce que là, on parlait, je te demandais un petit peu la description de... Mais c'est intéressant et tout, hein, mais j'aimerais aussi parler de ton travail, Ismaël, hein, punaise, quoi, c'est pas possible. Et donc, je te demandais de décrire un peu le paysage politique à l'époque, dans les années 70, 60 de la Turquie, et aussi le communisme pour toi, c'est quoi? De voir un petit peu, c'était quoi le choc de ces deux idées, quoi? Je sais, regardez, là, on s'y perd comme ça en parlant, mais je sais que ceux qui nous écoutent, je suis sûr que ça les intéresse qu'on parle entre nous, là. Mais évidemment! Parce que le communisme, moi... Tout ce que je sais, c'est l'étape ultime. Voilà, pour moi, hein, si tu me demandes c'est quoi le communisme, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'humanité, c'est dans tout son élément, quoi. Pour moi, je suis un marxiste convaincu. Je pense que, je me dis oui, la théorie de Marx, c'est très logique pour moi. J'ai pas lu Das Kapital en entier, parce que c'est énormément économie, tout ça là-dedans. Mais tout ce que je sais, que c'est le système qui peut apporter. Oui, maintenant on va me dire, oui, mais on a vu en Union soviétique... Mais c'est bête de dire ça, les gens, ils sont bêtes. Enfin, vraiment, c'est un raisonnement débile de dire ça, je trouve. J'ai entendu ce raisonnement il n'y a pas tellement longtemps, je me disais, mais rien à voir! Mais bon, ils vont te dire, il y a eu le goulag, il y a eu Staline, voilà, ils vont te parler tout ça. Est-ce que c'était encore du communisme? Mais on l'a même, ça l'est plus. On l'a même pas laissé construire le communisme. On l'a pas laissé, tout simplement, parce qu'on a attaqué de toutes parts, alors que c'est un régime en 1917 à peine fondé. Laissez-les avant d'attaquer. Bon, ils ont envoyé tous leurs services secrets, toutes les choses. Et puis finalement, ben c'est normal si on n'arrête pas de parler, alors que c'est quand même eux qui ont arrêté les nazis. Eux, c'est-à-dire? Ben l'armée rouge, les communistes, c'est eux qui ont arrêté Hitler. Oui, aujourd'hui, on dit les Américains. Les Américains, ils sont venus par après. Hein. Donc la guerre, c'est les 20 millions de citoyens, c'est les Russes qui ont perdu. Hein. C'est pas... Donc quand on voit tout ça... Les 20 millions de Russes qui ont perdu, je ne comprends pas quand tu dis ça. Qui ont perdu la vie dans cette guerre, deuxième guerre mondiale, c'est là 40-45. Voilà, et quand ils sont arrivés à Berlin, ben voilà, Hitler, on dit qu'il s'est suicidé ou un truc comme ça, mais voilà, c'était la fin du nazisme. Et juste ça, pour moi, ça demande le respect quand on voit ça. Maintenant, le communisme, hein, ça se discute encore plus. Mais moi, je peux te dire qu'un petit bout, voilà, tu vois. Oui, oui. Et donc, entre la Turquie qui... Tu l'as pas décrit parce que tu parles d'Atatürk dans les années 60-70. C'est comment la politique là-bas? On étouffe, si j'ai bien compris. Moi, je suis gosse en 71 quand il y a le coup d'État. Donc, et puis, il y a eu tout ce parcours de mon père que je t'ai raconté, 74 en prison, et puis il ressort 75. Et puis, en 76, nous, on arrive en Belgique. Donc voilà, c'est ce parcours-là, on était arrivé là. Après, on n'a plus... Oui, mais j'avais envie que tu m'expliques la politique en Turquie. Après le coup d'État, quoi, c'est le chaos, c'est quoi? Non, mais le coup d'État, ça veut dire que pendant un ou deux ans, il n'y a pas de parti, il y a juste les militaires qui dirigent. Jusqu'au moment où ils sentent qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de danger de gauchisme, il n'y a plus rien. Eh bien, alors, il y a toujours un ou deux militaires ou des riches qui sortent comme ça pour faire des partis. Ben, on va rejouer de nouveau ce jeu de démocratie, entre guillemets. On va faire des partis. Et tout ça était tellement calculé par l'État. Donc la Turquie fonctionne toujours comme ça. 10 ans après, de nouveau un coup d'État. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas, ça bloque quelque part. Et le communisme, ça a toujours été quelque chose qui était mal vu chez nous. Toujours. Quoi. En Turquie, quand tu dis chez nous? Oui, en Turquie. Mais dans ta classe, à l'école aussi, quand tu étais plus jeune, tu me racontes. Oui. Tu étais mal vu parce que tu étais le fils du communiste. Ton père, évidemment. Je ne devais pas dire que j'étais communiste, en fait. C'était même les profs qui étaient communistes, qui connaissaient mon père, qui me disaient en silence, ils disaient, ne parle pas de ton père, ne dis jamais que tu es communiste. Tu vas être rejeté. Ouais, bah, je ne disais pas, hein. Mais on sentait que j'étais un garçon bizarre. On me disait, bon, où est ton père? Je ne savais pas, je disais, il est en voyage, en fait. Mais en Turquie, tout le monde se connaît. Hein. Même dans le quartier, ça se sait peu à peu. Mais voilà, la vie n'était pas facile, Gardiela, là-bas. Et donc, vous arrivez en Belgique, à Namur, à Jambes, par le biais d'un ami à ton père qui ne le connaît pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il a fait de la prison? Non. Je ne pense pas, non. Il ne savait pas. Tu ne sais pas ça, en fait? Non, je ne peux pas dire qu'il savait ou il ne savait pas, mais ils n'ont jamais parlé ensemble. Ils n'ont jamais parlé ensemble de l'intimité de ton papa? Entre nous, quand nous, on était là, je n'entendais pas. Ils parlaient toujours des choses normales, quoi, de... Est-ce que tu vas trouver un boulot maintenant que tu es là? Donc, on est quand même resté plus d'un mois et demi chez lui. Donc, tu t'imagines un vieux monsieur avec 4 gosses, quoi, qui est là. Et finalement, on a trouvé... 4 gosses, mais vous n'étiez pas 4 à la base. Il y avait donc, il y a mon grand frère, il y a moi, il y a mon petit frère et ma sœur. Donc, 4, moi je parle de petits, hein, les 4 petits plus papa. 4, 5 avec toi, mais vous étiez 7 à la base, enfants. Non, je te parle de ceux qui est venu en Belgique. Donc... Ah, parce qu'il y a des enfants qui sont restés là-bas? Bien sûr. Parce que... mais j'avais jamais... J'ai pas compris ça, moi. Mais eux, ils étaient plus grands. Hein. Donc, mon père, il voulait protéger les petits. Il disait, bon, moi, je prends les petits. Et il devait vite décider. Il devait quitter donc la Turquie. Il se dit, les grands, ils peuvent toujours se débrouiller. Ben, je vais prendre les petits parce que... Mais voilà, il nous a pris les 4 petits. Avec, et on est arrivé, voilà. Et ce qui est bien, à l'époque, on accueillait très bien les réfugiés. Ça veut dire les étrangers. Ça, l'étranger, bah. Mais à l'époque, on accueillait très bien. Oui. Explique pourquoi tu dis ça. Je peux te dire, parce qu'à Namur, déjà, on a été voir un curé, je pense. C'était un curé. Il nous a accueillis, il a ouvert la porte, il a dit, ben voilà, en voyant un vieux comme ça avec 4 gosses, il nous a offert un endroit pour dormir, des choses à mettre, des vêtements et tout. Donc, tout le monde nous aidait autour. Et on voyait que c'était vraiment un pays accueillant. Moi, je disais, mais d'accord, c'est un pays froid, j'aime pas, il fait gris, mais les gens, ils sont chaleureux, ils sont bien. Bah, t'as été bien entouré, quoi, parce que j'imagine qu'il y avait du... On est en quelle année, là? C'était donc l'arrivée, hein, en 76. Donc on arrive, c'était au mois d'octobre, je me souviens très bien, 20 octobre 1976. Donc j'ai fêté le 40 ans 40 ans de, d'immigration, on peut dire, non ? On peut dire ça comme ça. Et finalement, ben, notre voyage continuait à Bruxelles. Donc on est resté un mois et demi après. Mon papa, avec les liens qu'il avait fait déjà, si, et on, il avait trouvé une place à la, au syndicat FGTB, ici à Bruxelles, parce qu'il y a un ami à lui qui travaillait là. Il a appris qu'il travaillait là. Et ben voilà, tout à coup, il a commencé à travailler au syndicat. Et nous, on vivait dans, à ce moment-là dans, une, dans la maison d'une réfugiée chilienne, une, ici à Saint-Gilles. Je me rappelle très bien la rue de Bosnie, elle habitait là. Et comme elle était partie en voyage, elle avait laissé la clé à mon père. Elle avait dit « tu peux rester là avec tes enfants ». Et là, on voyait aussi quand même la solidarité entre ces gens-là, qu'alors qu'on est universel, quoi. Il y a des Chiliennes, il y a des Uruguayennes à l'époque. Je me souviens, il y avait beaucoup de Latino-Américains. Eux aussi, ils avaient vécu un peu comme nous. Donc, une grande solidarité entre les gens. Oui, surtout entre les réfugiés qui vivaient ici à Bruxelles. On a vu ça, cette force. Et puis, petit à petit... on a commencé à faire des amis autour des gens syndiqués, donc autour du syndicat, des gens qui se battaient pour le droit de vote, des immigrés, donc beaucoup de choses, des revendications syndicales. Toute une époque aussi, alors, ces années-là. Oui, c'était où on sentait que la montée des mouvements démocratiques commençait à monter dans toute l'Europe, en fait, parce que moi, j'avais jamais vu des manifestations de 400 000 personnes pour la paix ici à Bruxelles. Je me souviens, c'était au nord. Et depuis, maintenant, les manifs, quand on voit, il n'y a pas plus de 10 000. Hein. Donc la différence des demandes, des revendications, tout a changé depuis la technologie qui est arrivée. Ah oui, toi, tu t'expliques ça par la technologie ? Oui, je pense, oui. Parce que maintenant, on les a dit aux gens, arrêtez de marcher, de faire des... Donc, des manifestations, vous avez tout en main, ben, tu as les réseaux sociaux, tu peux dire ce que tu as à dire, tu peux critiquer, tu peux tout faire. Ben, les gens, on les a donné un peu la facilité, quoi. Moi, je pense que c'est ça que les mouvements gauchistes ou populaires perdent beaucoup de terrain. Les démocrates, on ne les voit plus. Parce qu'avant, on était unis ensemble, on les voyait, ils étaient face à nous. Et on faisait épaule. Donc on était épaulés par ces gens-là ensemble. Maintenant, quand on voit, ben, chacun est de son côté. Donc il est à la maison, il bouge même plus et il fait la révolution par Internet. Donc voilà la différence. Oui, ou alors y a sûrement Internet qui a joué, mais il y a peut-être aussi le fait que les gens sont un peu le cul dans le beurre pour finir. Je veux dire, même les réfugiés, au bout d'un moment, quand ils sont arrivés dans les années 70... Tous ces réfugiés-là dont tu parlais, qui étaient solidaires et tout, ben à un moment donné, ils ont trouvé du travail. Je sais pas, j'invente. Hein, puis ils se sont installés et puis ils sont devenus aussi monsieur et madame tout le monde, quelque part, non ? Oui, tu as raison, Gradiela. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais aussi, quand tu dis, par exemple, oui, parce qu'on a le cul dans le beurre, c'est pas... Mais il y a des gens qui vivent tout à fait en se dégradant, quoi. Moi, par exemple... J'étais plus petit, dans les années 80, tout le monde vivait bien. Plus ou moins, tout le monde, je ne voyais pas vraiment la pauvreté, quoi. Maintenant, quand je vois dans la rue, il suffit de passer à la gare du Midi. Tu vois ça, qu'il y a la misère un peu partout. Est-ce que c'est l'euro ? Est-ce que c'est l'Europe ? Tu te demandes toutes ces questions-là, c'est légitime. Tu te poses la question, c'est quoi qui n'a pas été ? Et pourquoi on a milité tant ? Pourquoi, en fait ? Ouais, on a fait beaucoup de... On a milité. Moi, j'étais un petit militant, un petit gauchiste, comme ça, dans les rues. J'adorais participer dans toutes les manifs. Et puis, après, on se dit, maintenant, avec le recul, je dis, tout ce qu'on a fait, ça a servi à quoi ? Non, non, arrête. Tu penses vraiment ça ? Ça a servi non, à quoi ? Ce sont les questions que tu te poses. Ce sont les questions que tu te poses. Tu dis, est-ce que ça a servi à quelque chose ? Mais... J'ai pas perdu mon espoir encore dans ce serait peut-être pire si les gens n'étaient pas sortis à ce moment-là dans la rue. Ce serait peut-être pire aujourd'hui déjà. Oui, mais maintenant je me dis, j'ai compris que moi je dois changer de comment dire, de ma façon d'exprimer. Je dois changer, c'est parce que je ne trouvais pas d'aller dans la rue avec mon drapeau du Parti communiste, je ne me sentais pas vraiment à ma place. D'accord, je suis quelqu'un qui revendique des choses, mais... Et puis je voyais qu'à côté de ça, il y avait quand même mon art qui était là, que je pouvais m'exprimer. On va parler de ton art, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Hein. Tu es caricaturiste. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment ce que je suis devenu par après. Tu vois, après tout ce combat, et il a fallu qu'un journaliste turc qu'on le tue pour ses idées. Et j'étais très touché parce que c'était un journaliste et j'ai fait un dessin pour lui, comme ça, juste de cœur, ça venait du cœur. Et il y avait juste à ce moment-là un concours d'un journal humoristique qui faisait un concours. Ici en Belgique ? Non, en Turquie. C'était un journal humoristique très connu donc, qui faisait un concours sur ce journaliste-là. Et moi, je me suis exprimé. Voilà. Donc tu restais en lien évidemment avec le pays là-bas, la Turquie, ça va de soi. Oui, et c'était par la poste en plus. Hein. Donc je recevais, je demandais, j'étais abonné à ce... Et finalement, un mois après, ben, j'étais, comment on dit ça, primé pour ce travail. J'étais le premier, j'étais choisi premier. C'était mon premier, comment on peut dire ça, récompense, oui, dans la caricature. Et ça m'a... Busté un peu, comment on dit. Hein, ça t'a donné confiance? Oui, énormément. C'est là que je me suis dit, bon, t'as une arme là, tu peux faire quelque chose avec, tu peux faire mal. Et en plus, j'avais tellement de choses à dire, toutes les injustices que je vivais aussi à l'époque. Et finalement, je me suis dit, ben, en fait, c'est comme une drogue. Hein, la caricature? Oui. Oui, parce que pour moi, je me dis... ça me soulage, ça me fait du bien, parce que si j'arrive pas à dire quelque chose, si je dessine pas, ben ça ressort pas, alors t'es de mauvaise humeur. Mais ça sort là. Là, je partage avec tout le monde, et les gens ils disent leur avis et tout, et ben voilà. Moi j'aime bien ça, et ça m'a fait une thérapie vraiment pour moi, parce que j'aurais pu, après tout ce que j'ai vécu, j'aurais pu être autrement. Mais là, caricaturiste, ça me colle bien parce que en plus, j'ai même pas choisi ce métier, quoi. C'est le métier qui t'a choisi, comme on dit. Mais alors, dis-moi, donc tu te rends compte que tu sais dessiner? Comment ça se passe, quoi? Tu te rends compte que tu sais dessiner? Et quoi, tu vas suivre des cours ou bien comment ça se passe? Non, parce que c'était un peu dans la famille. Hein, on avait tous un petit don, Graziella. Ouais, papa. Quand je voyais papa comme ça, je lui disais. Je disais, papa, tu dessines un truc. Et il faisait un cheval, par exemple. Il dessinait un cheval. Et je le voyais, la forme. Et pourtant, il n'a jamais fait l'académie, quoi. Il faisait ça super bien. Et puis, je voyais tous les autres frères, ils ont un petit don dans les traits. Donc, l'autre qui est devenu caricaturiste, calligraphe. J'ai un grand frère qui a fait l'académie, il est devenu graphiste. Lui, c'est vraiment diplômé, c'est pas comme moi. Comme autodidacte, comme je dis pour moi. Et finalement, ben, ça fait partie aussi de la famille, quoi. Je dis, ben, c'est un truc qu'on avait en main. C'est à toi, après, de le faire avancer ou de le faire perfectionner toi-même, si tu as envie. Sinon, ben, tu restes avec ça. J'ai un frère, par exemple, qui était doué, mais ce n'était pas son truc, quoi, de faire un métier. Moi, De faire un métier ou d'en faire un métier? D'en faire un métier. Mais moi aussi, je ne voulais pas en faire un métier. Mais... Finalement, ben, quand tu commences à dessiner tous les jours sans se poser de questions sur l'actualité, et un beau jour, il y a un journal qui vient te chercher et qui dit, voilà, j'aimerais bien que tu dessines pour ce journal ce qui s'est passé avec moi. Donc, c'est un journal qui est édité à 10 000 exemplaires ici, à Bruxelles. Un journal turc? Oui, un journal turc, mais distribué dans toute la Belgique en 10 000 exemplaires. Donc, eux, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, pourquoi tu ne le ferais pas une fois par mois, mais en même temps sur leur site. Et c'est la première. Donc, tu t'imagines, je signe avec eux, je fais un truc. Mon premier dessin que j'envoie, je suis menacé déjà. Donc, et ça m'a choqué. Tu es menacé par les gens d'ici, les Turcs belgiques ou bien les Turcs... Parce que enfin, non, c'est absurde ce que je dis. C'est un journal turc pour les Belges, en fait. C'est un journal turc pour les Turcs de Belgique. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois ? Et tu es menacé par les Turcs de Belgique. Voilà. Et c'était quoi ce dessin ? Ben, c'était un dessin sur la grippe aviaire, en fait. C'était juste... c'était même dessiné avec un sentiment gentil, parce que j'avais fait une maman sur le... J'avais joué avec le drapeau turc, avec la lune et l'étoile. Et j'avais... Donc, la lune devenait... le turban d'une maman, parce que les Turcs, les mamans turques, plus ou moins représentées comme ça. Même ma mère, elle avait un truc comme une sorte de turban. Oui, on peut appeler ça. C'est un turban, hein. Oui, moi j'aime bien le mot turban. Ouais, voilà, c'est un turban. Moi, parce que et j'avais fait pleurer le drapeau turc. Mais c'est un petit connard qui m'a écrit en disant, ben, on joue pas avec les drapeaux turcs. Mais quel rapport avec la grippe aviaire là, parce que je vois pas le rapport. Ben parce qu'il y avait des enfants qui étaient morts et moi j'avais juste présenté une maman qui pleure, quoi, c'est tout. Ok, okay, mais des enfants qui sont morts de la grippe aviaire? Oui, oui, en Turquie c'était vraiment à l'époque c'était quelle année, 2007 ou 2008. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient comme ça, ou des bébés même. Et moi, j'étais touché par ça. Et j'ai un enfant et tout. Et finalement, ben, il a fallu que ce type comprenne autrement, quoi, pour qu'il puisse m'envoyer un truc. Il n'a même pas envoyé à moi. Il a envoyé au journal. Donc, c'est la rédactrice en chef qui m'envoie et me dit, voilà, Ismaël. Et moi, j'ai dit à ces gens-là, je dis, écoutez, si déjà, avec mon premier dessin, vous êtes on me menace, donc j'arrête, quoi. Ils m'ont dit non, non, surtout pas, parce que nous, on va faire du grand bruit avec ça. On va faire de l'audimat avec toi, Ismaël. J'ai une question, deux questions précises. Donc ici, Ismaël, tu as lancé, ça y est, un super bouquin comme ça, avec plein de dessins à toi que tu as fait sur combien d'années ? On peut étaler ça sur 25 années quand même. Donc 25 années, tes plus belles caricatures. J'aimerais que tu me choisisses une que tu aimes bien, que tu la décrives et que tu dises pourquoi tu l'aimes bien. Et alors j'ai une question, je ne sais pas si tu peux faire plusieurs choses à la fois, pendant que tu cherches, j'ai une question pour toi. J'ai entendu récemment, et j'étais assez d'accord, une question posée à une personne, on s'en fout du nom de cette personne, c'était dans un média belge. Et on posait la question à quelqu'un pour dire les caricatures, quand tu es caricaturiste, que tu es en Belgique, on sait que c'est multiculturel la Belgique, c'est-à-dire qu'il y a plein de cultures qui se côtoient. Est-ce qu'on peut du coup faire de l'humour à toutes les sauces n'importe comment sans choquer sa voisine de palier qui est marocaine ? Oui, c'est une très bonne question. Moi, quand je dessine, Graziella, tu vois, j'oublie, je mets tout ça de côté, en fait. Toutes les nationalités, tous les amis, même, je mets tout le monde de côté. Parce que c'est ma pensée qui doit être sur la feuille, pas leur influence. Donc, après, je sais que ça peut faire des bruits, ça peut faire mal, mais j'assume tout ça. J'assume vraiment sans problème. Parce que, je veux dire, chaque trait que j'ai fait, c'est à moi et je le signe, quoi. Donc, je n'ai pas honte, ni au contraire, je revendique. Donc, je ne dessine pas pour plaire, quoi. Donc, la voisine de palier marocaine, on la met un petit peu entre parenthèses, quoi. C'est pas, tu dessines pas pour plaire à ta voisine de palier. Surtout que ma voisine... Même si elle est jolie. Mais tu as raison, mais ma voisine de palier, elle aime beaucoup les caricatures. Au contraire, les gens pensent que moi, j'ai beaucoup d'amis marocains et je donne des cours aussi avec eux. Croyez-moi que la plupart sont assez, beaucoup plus ouverts que ce qu'on croit aux caricatures. Simplement, il ne faut pas offenser pour offenser les gens, quoi, ou leurs croyances. Ou... Oui, mais moi, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû prendre la marocaine. J'aurais dû prendre peut-être l'italienne ou la chinoise ou la polonaise. Enfin, voilà. Oui, parce que c'est les Turcs qui me menacent. J'ai jamais été menacé, par exemple, par un Marocain. Hein. tu vois. Donc oui, je peux dire. Oui, mais l'idée, c'était de dire, voilà, est-ce qu'on peut dessiner en excluant tout le monde autour de soi, en faisant vraiment de la caricature, parce qu'on est libre de le faire. Et après, bon, voilà, on verra bien la suite. Et si les gens ne comprennent pas, bon, ben, tant pis pour eux, quelque part. Ou s'ils sont choqués, ou si ça leur fait mal. C'est comme ça. Tout à fait. Voilà, moi, quand je dessine, si je commence à mettre une autocensure, je ne peux pas dessiner, alors c'est impossible. Ou alors ton dessin, il va être à moitié mou. Et moi, je n'aime pas les dessins mous. J'ai grandi quand même avec beaucoup, en lisant beaucoup des journaux humoristiques turcs. Et puis, surtout ici, je suivais beaucoup Charlie Hebdo. C'était peut-être une petite influence aussi de ça. J'aime bien provoquer, j'aime bien piquer, mais... Finalement, ce n'est qu'un dessin. Hein. Ça ne tue pas, quoi. On peut dessiner des choses choquantes. On peut, bien sûr, on a le droit. Et comme Voltaire hein, disait. Il disait, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Ben, il faut que les gens se battent pour que moi, je puisse dessiner. Sinon, autrement, demain, on ne va plus rigoler. Et donc, j'ai un rôle à jouer, tu vois. C'est comme, j'imagine, un bouquin, si on peut plus écrire les choses comme on a envie, sans choquer ou sans... Voilà, c'est vrai que ça devient dommage, quoi. Oui, sinon, alors, on ne fait plus rien. Si on commence à critiquer ce que tu as écrit... Ben, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus, hein, on voit tout ça. On voit tous ces... Les gens, ils ont facile à lancer des humeurs, qu'on peut dire ça, comme ça. Oui, des humeurs, c'est vrai que c'est bien dit, des humeurs, oui. Et les gens, bon, ils se prennent la tête tout seul dans son coin, et ben, ils balancent un tweet, et puis ça fait un dégât. Alors que, il n'avait même pas calculé peut-être ça, il a fait bêtement, et aujourd'hui, ben, quand on voit les médias aujourd'hui, ben, où on voit les médias classiques devant nous qui nous bombardent avec des conneries sans arrêt, ou alors il y a l'autre média qui est critique, mais en même temps tout aussi cruel. Et tout le monde attaque tout le monde. Mais pourquoi tu dis tout autant cruel? J'ai pas suivi là. Oui, parce que le monde des réseaux sociaux, je te parle. Hein. Ah oui, les réseaux sociaux, oui. C'est un médium, c'est quoi. Cru, quoi. C'est peut-être pas, ouais. Oui, c'est vrai que c'est un média. C'est cru, quoi. Si tu le sens, ça, tu regardes les vidéos qui se passent, c'est vraiment à l'extrême. Il y a tout et n'importe quoi. C'est ça. Et là aussi, il faut filtrer. Là aussi, il faut savoir jouer, d'accord. Il faut utiliser tout ça. Mais attention, il faut pas consommer n'importe comment. Parce qu'on consomme la télé, on consomme... Finalement, on est consommé. Quand on regarde, ben on ressemble à un code-barre, quoi. Tu vois ? Mais peut-être pour clore le sujet de caricature, est-ce qu'on peut rire, est-ce que tu te laisses aller sur la feuille, nanani nanana. Peut-être on pourrait dire que la caricature, ce n'est pas le problème, c'est pas le dessin ni les gens, mais que c'est une question politique à une autre échelle, qu'il y a des enjeux qui ne sont pas du citoyen, du dessinateur. En fait, le problème, c'est pas la caricature, le problème, c'est la politique et toutes les histoires qu'il y a eu autour de ça. Tu as tout à fait raison, c'est exactement mon analyse, c'est exactement ça. Ce n'est pas la caricature, parce qu'après on a vu avec le temps que ce n'est pas la caricature, ça, c'est juste, comme tu dis, c'est politique, c'est quelque chose qu'on nous impose. Et puis la caricature a été victime quoi, dans cette chose-là, dans cette guerre-là. Bon, elle a joué, elle a mis en avant, mais quoi ? Et pour moi, c'est dommage que la caricature, on en parle de cette façon-là. C'est pas comme ça. La caricature, elle a un rôle vraiment à jouer entre les populations. Elle n'a pas le rôle de, comment dire, de blesser les gens pour blesser. Elle n'a pas ce but-là, quoi. La caricature, elle est aux côtés des gens faibles. Elle est surtout contre les grandes puissances. Ça, c'est les gens, il faut qu'ils mettent ça dans leur tête, quoi. Ta caricature à toi, en tout cas. Oui, c'est ma vision de la caricature, c'est ça. Alors le dessin dans ton bouquin, qu'est-ce que tu as choisi comme dessin alors ? Tout simplement, ben, j'ai choisi un dessin qui est actuel d'aujourd'hui, qui parle sur la migration. Et il y a ici, sur le côté gauche de mon dessin, la carte géographique de l'Europe avec les étoiles, mais qui est en forme d'une main qui pousse une barque. Donc c'est une barque qu'on appelle ça, des migrants qui tombent à l'eau. Et avec l'autre main, donc l'Europe, il y a une main qui pousse le barque des migrants, et avec l'autre main, ils lancent une bombe. Donc c'est très explicatif de ce qui se passe aujourd'hui. Donc d'un côté, on fait la guerre dans ces pays-là, et de l'autre côté, quand ils crient au secours, on ne les aide pas. C'est ça que j'ai voulu expliquer dans ce dessin, et qui est aujourd'hui, je pense, encore plus. Il faut insister à ce côté-là. Donc il faut être solidaire avec les gens, il faut accueillir. C'est comme ça. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre les murs. C'est qu'on est en train de construire des murs. Aujourd'hui, Trump, américain, le président américain, il parlait encore ce matin de construire un mur, donc tout le Mexique, quoi, la frontière mexicaine. Mais quelle pauvre fille, moi je ne comprends pas cette mentalité, tu vois. C'est vraiment des gens qui se croient, enfin bon. Mais Graziella, tu sais bien que l'Europe n'agit pas différemment. Regarde la Hongrie, regarde un peu. On est en train de faire pareil. Alors on critique Trump d'un côté et de l'autre côté, bah on suit sa politique, quoi. Non mais quand tu dis on critique, moi on me demande pas mon avis. Hein. Si j'étais à la table des négociations, crois-moi que je. Non non, moi on me demande pas mon avis, sauf quand ça les arrange. Tu as raison. Allez, les mots de la fin, Ismaël, je te les laisse. Ou bien t'as déjà tout dit, les mots de la fin pour l'éternité. Bah les mots de la fin, c'est que. Et j'aimerais tout d'abord te remercier de m'avoir permis d'aller chez les gens avec ton émission. Et si j'ai su m'exprimer d'une manière convenablement, ben voilà, si le message est passé, si les gens ont appris quelque chose sur la caricature, sur un peu tout ce qu'il y a autour avec moi dans ce petit voyage, ben, ça me fait plaisir, voilà. Et merci, Graziella. Merci à toi, Ismaël.